Le chef du Centre de la stratégie asiatique et de l'Institut économique de l'Académie des sciences de Russie vient de dire que la ligne de conduite coréenne consistant à développer parallèlement l'économie et les forces armées nucléaires porte des fruits réels. Il a souligné. En dépit des sanctions et pressions de toutes sortes, la Corée est arrivée à avoir une puissante dissuasion nucléaire et à réaliser aussi des succès dans l'édification économique. Par voie de sanctions, on ne peut pas régler le problème coréen, voire c'est tout à fait absurde d'obtenir une concession de la Corée.